بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد. Hier nous avons abordé certains textes à travers lesquels nous avons pu nous apercevoir de l'importance capitale que revêt l'envoi du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Et nous avons également fait mention de certaines descriptions qui ont été faites du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et à partir de là, on se rend compte que les gens sont dans un plus grand besoin de connaître le prophète sallallahu alayhi wa sallam que ce qu'ils n'ont besoin de manger et de boire. Ils ont encore plus besoin d'apporter foi en lui, de reconnaître la véracité de son message, de le suivre, de le respecter comme il se doit et de secourir sa cause, qu'ils n'ont besoin de manger et de boire, et qu'ils n'ont besoin de respirer même. Et à partir de là, on se rend compte de l'importance du fait d'aborder et de parler des droits du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et il faut savoir que ce sujet est lié à la deuxième partie de l'attestation de foi, al-shahada. Nous attestons du fait que nulle divinité ne mérite d'être adorée si ce n'est Allah. Et que Mohammed sallallahu alayhi wa sallam est le messager d'Allah. Parler des droits du prophète alayhi salatu wassalam, c'est lié justement à la seconde partie de cette attestation de foi. Il est donc impératif de chercher à connaître ces droits afin de pouvoir les respecter comme il se doit, aussi bien au niveau de nos paroles que de nos convictions, que de nos actions. Mais on peut malheureusement se rendre compte qu'un certain nombre de musulmans ne connaissent pas ces droits-là, ou ne les connaissent pas comme il se doit. C'est ainsi que tu peux constater que parmi eux, il en est qui se dirigent vers un extrême et que d'autres se dirigent vers un autre extrême à propos justement de ces droits-là. C'est pour cela qu'on va essayer donc, toujours à travers ce livret écrit par le Cheikh Al-Bukhari, de présenter certains de ces droits-là. Le premier des droits abordés, qui est donc un devoir nous concernant, c'est le fait d'avoir foi en lui, d'apporter foi en lui, sallallahu alayhi wa sallam. Certains hommes de science ont dit que le fait d'avoir foi au prophète alayhi salatu wassalam signifie croire en son message, lui obéir et suivre sa religion. Certains savants ont précisé en disant que le fait de croire en lui, sallallahu alayhi wa sallam, amène deux choses. La première, le fait d'affirmer sa prophétie, sallallahu alayhi wa sallam, et d'affirmer sa véracité, notamment à propos de ce qu'il a transmis d'Allah tabaraka wa ta'ala. Et affirmer également que cette prophétie lui est propre. Il n'y a pas de prophète après lui. Alayhi salatu wassalam. Deuxièmement, le fait de croire en son message Et que ce message-là, il l'a transmis d'Allah tabaraka wa ta'ala, que ce message vient d'Allah tabaraka wa ta'ala, et qu'il est obligatoire de le suivre. Il est donc impératif, il est donc obligatoire de croire en ce prophète sallallahu alayhi wa sallam à propos de tout ce dont il a informé, notamment concernant ce qui nous est caché, tel que le paradis, l'enfer, mais également tout ce qui a trait à sa promesse, à ses menaces, ou tout ce qui peut être lié par exemple au supplice du monde intermédiaire, tel que le châtiment de la tombe, ou tout ce qui peut être lié aux délices qui s'y trouvent, tels que les délices de la tombe. Et de manière plus générale, tout ce à propos de quoi le prophète alayhi salatu wasalam a informé, tout cela provenant d'Allah tabaraka wa ta'ala. Allah jalla wa az a dit wa ma yantiqu anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Il ne se prononce pas sous l'emprise de la passion, mais c'est plutôt uniquement une révélation qui lui est faite. Deuxièmement, toujours concernant ce premier devoir-là, il est impératif d'aborder les annulatifs de cette foi. Et il faut que tu saches que les annulatifs, ce qui vient annuler la foi que l'individu a en ce prophète alayhi salatu wassalam, sont de deux catégories. Des annulatifs qui sont liés au fait de porter des critiques sur sa personnalité alayhi salatu wassalam, le fait de porter atteinte à sa personne alayhi salatu wassalam. La deuxième catégorie renvoie au fait d'émettre des critiques à propos du message qu'il a transmis, de la religion d'Allah tabaraka wa ta'ala. Soit en réprouvant cela, soit en le dénigrant. Revenons donc à la première catégorie consistant à émettre des critiques visant la personne du messager alayhi salatu wassalam. Cela concerne aussi bien le fait de porter atteinte à sa filiation, à sa lignée, en le critiquant, en disant ou en insinuant ou en sous-entendant quelque chose qui s'opposerait au fait qu'Allah tabaraka wa ta'ala l'ait élu en tant que messager afin de transmettre sa religion à ses créatures. Et également inclus dans cette première catégorie le fait de le critiquer au niveau de sa chasteté, de sa véracité, de sa piété, le fait également de l'insulter ou de lui attribuer des manquements au niveau de sa personne ou au niveau de sa filiation. Que cela soit fait de manière formelle, de manière directe, ou de manière sous-entendue. Quiconque ferait cela aurait mécru en Allah, Jalla Jalaluh. Quant à la deuxième catégorie, nous avons vu qu'elle consiste à émettre des critiques visant cette fois-ci le message qu'il a transmis, visant donc la religion d'Allah, Tabaraka wa Ta'ala. Et cela relève également des annulatifs de la foi. Et cela peut se faire, comme nous l'avons vu, soit en réprouvant cela, soit en le dénigrant. Troisièmement, il est opportun d'aborder certaines preuves tirées du Coran et de la Sunna, mettant en évidence l'obligation d'apporter foi au prophète alayhi salatu wassalam. Premièrement, Allah tabaraka wa ta'ala a dit « لِتُؤْمِنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ وَتُعَزِّرُوهُ وَتُوَقِّرُوهُ وَتُسَبِّحُوهُ بُكَرَةً وَأَصِيلًا » Afin que vous apportiez foi en Allah et en son messager, que vous le vénériez et le respectez et que vous proclamiez la pureté d'Allah matin et soir. Verset numéro 9 de la sourate Al-Fath. Allah Jalla wa Azza également dit: فَآمِنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ وَالنُّورِ الَّذِي أَنزَلْنَا وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ. Apportez donc foi à Allah et en son messager, ainsi qu'en la lumière que nous avons fait descendre. Certes, Allah est parfaitement savant à propos de ce que vous faites. Surat At-Taghabun, verset numéro 8. Allah Jalla wa Ala a également dit: وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَالرَّسُولَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ. Obéissez à Allah et au messager afin que vous soyez fait miséricorde. Surat Al Imran, verset numéro 132. Et Allah Jalla fi Ula a également dit: قُلْ أَطِيعُوا اللَّهَ وَالرَّسُولَ. Dit: obéissez à Allah et au messager. Et les preuves tirées du Coran allant dans ce sens sont très nombreuses. Et dans la Sunna, il y a également des preuves qui vont dans ce sens. Parmi ces preuves-là, ce que nous retrouvons dans les deux authentiques d'Al-Bukhari et de Muslim, comme récit relatant le fait que le prophète alayhi salatu wassalam est envoyé Mu'adh au Yémen. Et parmi les choses qu'il lui a dites, parmi les consignes qu'il lui a données, le fait qu'il lui ait dit: tu vas certes te présenter à des gens du livre, appelle-les donc à attester que nulle divinité ne mérite d'être adorée si ce n'est Allah et que je suis le messager d'Allah. S'ils t'obéissent dans cela, alors informe-les du fait qu'Allah leur a rendu obligatoire 5 prières, de jour comme de nuit. Le quatrième point, qui est donc lié également à ce premier devoir, il concerne le caractère général de la portée, de l'envoi du prophète sallallahu alayhi wa sallam à l'attention des deux charges, les humains et les djinns. Dans le Coran, nous trouvons qu'Allah Jalla wa Ala a dit: قُلْ يَا أَيُّهَا النَّاسِ إِنِّي رَسُولُ اللَّهِ إِلَيْكُمْ جَمِيعًا. Dit: ô vous les gens, je suis le messager d'Allah qu'il a envoyé à votre attention tous autant que vous êtes. Sourate Al-A'raf, verset numéro 158. L'exalté a également dit: wa arsalnaka lin-nasi rasula, et nous t'avons certes envoyé à l'attention des gens en tant que messager. Sourate An-Nisa, verset numéro 79. Ibn Mandour a dit dans son livre Lisan al-Arab que le terme an-nas, que l'on a traduit approximativement par les gens, inclut aussi bien les humains que les djinns. Allah tabaraka wa ta'ala a dit: tabaraka alladhi nazzala al-furqana ala 'abdihi liyakuna lil'alamin nadhira. Béni est celui qui a fait descendre le discernement sur son serviteur afin qu'il soit un avertisseur pour les mondes. Sourate Al-Furqan, premier verset. L'érudit Al-Qurtubi a dit dans Al-Jami' li Ahkam Al-Qur'an qu'Ibn Abbas, radiyallahu anhuma, a dit: le terme Al-Alamoun, les mondes, inclut les djinns et les humains. Preuve en est qu'Allah tabaraka wa ta'ala a dit: liyakuna lil alamin nadhira, afin qu'il soit un avertisseur pour les mondes. Or, il n'était pas un avertisseur pour les bêtes. Fin de citation. Donc, ici, cette argumentation signifie que le terme les mondes inclut les djinns et les humains. Que le prophète, alayhi salatu wassalam, a été envoyé à l'attention des humains et à l'attention des djinns également. Parmi les preuves appuyant le fait que le prophète, alayhi salatu wassalam, a été envoyé à l'attention des deux charges, les djinns et les humains, il y a ce hadith qui a été recueilli par Al-Bukhari et Muslim dans leurs authentiques respectifs. D'après Jabir, qui a relaté que le prophète, alayhi salatu wassalam, a dit « Cinq choses m'ont été attribuées alors qu'elles n'ont été attribuées à personne avant moi. » Et parmi ces cinq choses-là, qu'il a citées, sallallahu alayhi wa sallam, le fait qu'auparavant, les prophètes étaient envoyés uniquement à leur peuple. Quant à moi, j'ai été envoyé à l'attention de l'ensemble des gens. Et le terme « les gens » ici, « annas », désigne, comme dans les textes précédents, aussi bien les humains que les djinns. Le grand érudit Ibn Hajar a dit dans Fath al-Bari, ou a apporté dans Fath al-Bari certaines variantes de cette partie du hadith qui justement appuie le fait qu'aussi bien les humains que les djinns sont inclus dans le terme al-alamoun, les mondes, ou plus précisément dans le terme an-nas, les gens. Et il y a également des textes qui appuient le fait que le prophète alayhi salatu wassalam a bel et bien été envoyé à l'attention de l'ensemble des gens, des textes que l'on peut notamment retrouver dans l'authentique de l'imam Muslim. Cinquième et dernier point lié à ce premier chapitre, relatif au fait d'apporter foi au prophète alayhi salatu wassalam, ce cinquième point est relatif à l'obligation du fait d'avoir la conviction que le prophète alayhi salatu wassalam a bel et bien transmis le message qu'Allah tabaraka wa ta'ala lui avait ordonné de transmettre, et ce de manière complète. Parmi les preuves appuyant cela, ce que nous avons déjà mentionné hier, comme parole de Abdullah ibn Amr ibn al-As, recueillie par Al-Bukhari, est relative à la description qui a été faite du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam dans la Torah. Nous avons vu que dans la Torah, il a été dit qu'Allah tabaraka wa ta'ala ne reprendra pas ce prophète avant que par son biais il n'ait redressé la communauté déviante. Et avant qu'il n'ait dit « La ilaha illallah, nulle divinité ne mérite d'être adorée si ce n'est Allah. » Et avant que par son biais, c'est-à-dire par le biais du prophète, alayhi salatu wassalam, Allah n'ait ouvert des yeux aveugles, des oreilles sourdes et des cœurs scellés. Et parmi les choses qui appuient ce fait, la parole d'Allah tabaraka wa ta'ala « Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaykum ni'mati wa raditu lakum al-islam adina » Aujourd'hui, j'ai parachevé pour votre religion et vous ai comblé de mes bienfaits et agréé pour vous l'islam comme religion. Sourate Al-Ma'ida, verset numéro 3. Et également, parmi les preuves appuyant cela, il y a le récit du pèlerinage du prophète alayhi salatu wassalam qui est recueilli dans l'authentique de Muslim et qui est relaté de manière développée et longue par Jabir. Dans le pèlerinage d'adieu, le prophète alayhi salatu wassalam a dit à ses compagnons « J'ai laissé parmi vous une chose et vous ne vous égarerez pas tant que vous y resterez cramponnés. » Et c'est le livre d'Allah. « Et vous allez être questionnés à mon sujet. » Et vous allez être questionnés à mon sujet. Qu'allez-vous donc dire ? Les compagnons ont alors dit « Nous attestons que tu as transmis et que tu t'es déchargé de la responsabilité et que tu as été d'un conseil loyal. » C'est alors que le prophète, alayhi salatu wassalam, a levé son doigt en le dirigeant vers le ciel, puis en le dirigeant vers les gens, et en disant à trois reprises, « Ô Allah, sois témoin. » Nous retrouvons donc ici le témoignage de la meilleure des générations, à savoir la génération des compagnons du prophète, alayhi salatu wassalam, relative au fait qu'il a été loyal, et qu'il s'est déchargé de la responsabilité, et qu'il a transmis le message qu'Allah tabaraka wa ta'ala lui avait ordonné de transmettre, en disant notamment, « Ya ayyuha rasoul, balligh ma unzila ilayka min rabbik, wa illam taf'al fa ma balligta risalata, wallahu ya'simuka min annas. » Ô toi le messager, transmets ce qui a été descendu vers toi de la part de ton Seigneur souverain, et si jamais tu ne le fais pas, tu n'auras pas transmis le message, et Allah te protège des gens. À ce sujet, Aïcha radiallahu anha disait, celui qui te dit que Muhammad a dissimulé quoi que ce soit de ce qu'Allah lui a révélé, a certes menti. Et elle citait comme preuve le verset que vous venez d'entendre, et on s'en tiendra qu'à cela pour ce soir. Wallahu a'lam wa sallallahu wa sallam ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, walhamdulillahi rabbil alamin.